François Morel, bonjour, vous êtes en duplex d'Aix-en-Provence et nous vous écoutons religieusement. Religieusement, c'est trop. Bonjour. À partir de demain samedi, à l'instar des cinémas et des restaurants, les théâtres devront fermer à 21h. Le président de la République s'est voulu rassurant en affirmant que des reprogrammations seront organisées. Comment ? C'est évidemment la question que se posent les professionnels du théâtre. C'est pour eux le moment de faire preuve d'imagination. Quelques pistes de réflexion. Les pièces en trois actes pourront commencer à 19h. Les deux premiers actes seront présentés de manière à ce que le théâtre puisse entièrement être vidé à 21h. Commencerait alors à partir de 21h un entracte qui prendrait fin à 6h du matin, heure à laquelle rouvrirait le théâtre afin de permettre aux public de savoir à la fin du troisième acte si Georges Dandin va continuer à être cocu ou pas, si Argan, du malade imaginaire, va finir bien portant ou pas, si Scapin sera pardonné de ses fourberies. Vers 7h30 du matin, on s'arrangera pour que les acteurs saluent devant le public qui, naturellement, devra éviter de leur faire un triomphe s'il ne veut pas être en retard sur son lieu de travail. Cette piste de réflexion, cependant, n'est pas idéale puisque la règle des 6, pas plus de 6 personnes dans les réunions, y compris en famille ou entre amis, ne pourra pas être respectée dans le cas où l'on jouerait ces pièces de Molière. Dandin compte 8 personnages, le malade 12 et les fourberies de Scapin 12 également, si l'on compte les deux porteurs. Il serait donc préférable pour les metteurs en scène à partir de samedi de programmer Samuel Beckett, dont les pièces, et il faut le remercier, sont particulièrement adaptées aux périodes de pandémie. Fin de partie, 4 personnages. Oh les beaux jours, 2 personnages, dont un parfaitement muet qui ne risque donc pas de postillonner sur sa partenaire. La dernière bande, bel et fort, Monsieur Beckett, un acte, un personnage. Même son tube, En attendant Godot, pourra continuer à être joué normalement. 5 personnages, c'est parfait. La question reste de savoir si le public acceptera de revenir à 6h du matin pour être bien sûr et certain que Godot n'apparaîtra pas avant la fin de la pièce, le suspense étant largement émoussé. La Commedia dell'arte pourrait, même au-delà des quelques semaines de couvre-feu, connaître un regain d'intérêt puisque pour jouer Arlequin, Pantalone, Matamor ou Brighella, le masque est déjà quasiment obligatoire. Comme lors des rencontres sportives, on pourrait également demander aux acteurs de continuer à jouer dans des salles sans public dont on aurait précédemment enregistré les rires et les applaudissements. Double avantage, les spectateurs qui roupillent dès le début du spectacle pourront faire toute leur nuit chez eux. Les comédiens qui ont des bambins ne seront pas obligés d'être présents à l'heure du bain et du dîner des enfants. Surtout, gens de théâtre, gardez le moral, souvenez-vous comment, lors des derniers couvre-feux de l'histoire, au temps des Ausweis, de la Commandant Tour et des excursions avec cochons dans les valises entre le 45 rue Poliveau et la rue Le Pic, la scène parisienne était florissante, dynamique, grâce notamment à Claudel, Sartre, Cocteau, Guitry, Bourdet, Sarment, Anouilh, Monterland. Comme beaucoup se souviennent avec nostalgie des années 1940, bientôt, vous verrez, nous regarderons. Regretteront les années 2020. Merci François Morel.